de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guinezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je suis dans les studios avec Madame Sandrine Renaud. Bonjour, comment ça va ? Bonjour à toutes et à tous. Bah écoutez, moi ça va bien et je suis très contente d'être parmi vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nos auditeurs ? Oui, donc je suis Sandrine Renaud, adjointe à la mairie de Saint-Étienne-lès-Remiremont. Je suis adjointe dans le domaine qui concerne la culture, le sport, le loisir, le tourisme, le jumelage. Voilà. Et c'est quoi un adjoint au maire ? Alors un adjoint au maire, c'est une personne qui est élue pour assister le maire dans ses fonctions. Et c'est sûr que quand il est absent, nous on le remplace dans les réunions, Je précise notre maire, Monsieur Michel Demange, qui effectivement, ça nécessite beaucoup de travail, une mairie. Vous êtes combien d'adjoints du coup ? Alors en tout, on est 6 adjoints. Donc si vous voulez, je vais citer les 5 autres adjoints. Donc en premier adjoint, nous avons Monsieur Yves Leroux, donc qui est adjoint aux travaux. En deuxième adjoint, Madame Danielle Fèvre, qui s'occupe du domaine des affaires sociales et des solidarités. Troisième adjoint, Monsieur Jean-Charles Tisserand. Alors lui, il est délégué dans les domaines concernant les affaires scolaires et la jeunesse, ainsi que la communication. En quatrième adjointe, Madame Nathalie Milotte, qui intervient dans le domaine concernant l'urbanisme. Donc moi, je suis cinquième adjointe. Et en sixième adjoint, il y a Monsieur Francis Hans, qui est délégué pour intervenir dans les domaines concernant le développement environnemental. Et ainsi que la forêt, voilà. Et est-ce que vous travaillez les uns avec les autres parfois ou pas ? Oui, alors en fait, on se réunit tous les lundis matin, tous les 15 jours. Donc chacun évoque un peu les sujets qui le concernent et puis on discute ensemble et puis des décisions sont prises. Est-ce que vous avez toujours été adjointe au maire ? Alors non. Moi, en fait, je suis adjointe depuis ce mandat, depuis 2020. Alors avant, j'étais conseillère municipale, donc au mandat précédent. Et vous faisiez quoi en tant que conseillère municipale ? Alors, en tant que conseillère, on participe aux conseils municipaux, évidemment, et puis on fait partie de commissions. Donc, il y a beaucoup moins de présence quand on est conseiller. C'est-à-dire, on aide, mais il y a beaucoup moins de travail. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la mairie de Saint-Étienne-lès-Remiremont ? Alors, en fait, une mairie a un rôle important dans la vie des administrés. Elle est l'intermédiaire entre les citoyens et l'État. Donc, pour les habitants, elle est centrale parce qu'ils peuvent se référer à la mairie pour un grand nombre de besoins au quotidien. Alors, la mairie, par exemple, elle assure les demandes administratives des habitants, comme l'obtention d'actes d'état civil. Elle gère l'urbanisme, l'éducation, le social, la voirie, l'entretien, la sécurité, le budget de la commune. Donc c'est vraiment très varié. Et en fait, la mairie, elle doit satisfaire un peu aux besoins de la population de la commune. Elle est là pour ça. Est-ce que vous travaillez seule ou en équipe ? Alors, on travaille... on a déjà l'équipe avec les adjoints. Mais sinon, moi, au niveau de la mairie, je travaille avec le service animation communication, qui est géré par Tiffaine Pierra, donc elle qui est salariée de la mairie et qui effectue un travail énorme. Donc, on travaille souvent ensemble. Nous allons nous lancer dans une première pause musicale avant de parler de vos différentes activités. On vous laisse avec Queen et leur titre Don't Stop Me Now. Quel merveilleux accent anglais aujourd'hui, c'est superbe. À tout de suite sur Radio Guémozo. A real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on collision course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Don't stop me, hey, hey, hey. Don't stop me, ooh, ooh, ooh. I like don't stop it. Me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh. Sonic man out of you, yeah. Don't stop me now, I'm having such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now, if you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me try now, try to have a good time. Don't stop yes, me now, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Madame Renaud. Ah, Queen, c'est vraiment un groupe intemporel, hein, surtout avec la voix de Freddie Mercury. J'adore. C'est quoi un conseil municipal ? Alors, un conseil municipal, c'est l'assemblée d'élus qui est chargée de gérer les affaires d'une commune. Donc, les conseillers municipaux sont les personnes qui siègent au conseil municipal. Ils sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans. Est-ce que vous êtes salarié, vous, au sein de la mairie ou pas ? Alors non, moi je ne suis pas salarié. En fait, on ne parle pas de salaire, mais c'est plutôt on parle d'indemnité. Donc l'indemnité, en fait, elle est fixée par le conseil municipal et elle tient compte du nombre d'habitants dans la commune. Et est-ce que vous avez été élu ou choisi par le maire ? Alors oui, en fait, on est élu forcément par les membres du conseil municipal. Donc lors de la première réunion, se passe l'élection. Est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos journées type à la mairie ? Qu'est-ce que vous faites ? Bonne question. Donc en fait, moi donc je ne suis pas salariée, hein, je précise quand même que je travaille à côté. Donc j'ai pas vraiment de journée type. Disons que voilà, donc je vais à la mairie. Donc alors déjà tous les 15 jours le lundi matin, on se réunit avec les adjoints. Sinon donc je passe à la mairie donc lorsqu'on a des réunions, on a des commissions ou des fois on a des rendez-vous. Et puis sinon moi je vais donc avec Tiffaine Pierra donc qui s'occupe du service animation. Donc on prépare tout ce qui concerne les différentes manifestations. On prépare beaucoup de choses. Donc quand moi je fais des commissions aussi, donc à peu près 3-4 fois dans l'année, donc on prépare les commissions. Donc voilà, une journée type, en fait je passe pas réellement une journée complète, hein. Voilà, j'y vais plusieurs fois par semaine, mais peut-être le matin, l'après-midi, voilà, il n'y a pas vraiment de journée type. Et quelles sont les différentes tâches qui vous sont attribuées à la mairie ? Moi je m'occupe donc de la culture, le sport, loisirs, vie associative. Donc je m'occupe de toutes les manifestations qu'on fait au cours de l'année. Donc par exemple, le 14 juillet, puisque c'est ce qui s'est passé, enfin... qu'on a annulé cette année, mais bon, sinon, moi, je m'occupe des feux de la Saint-Jean, la marche populaire, enfin, toutes les grosses activités lors de la commune, les spectacles, les concerts, enfin, voilà, je gère un peu tout ça. Sur le site internet de la mairie de Saint-Étienne-lès-Remiremont, on peut lire que vous intervenez dans les domaines concernant les associations, la culture, les sports et loisirs, y compris le tourisme et le jumelage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Le jumelage, donc, c'est l'association de deux villes. C'est une volonté réciproque de développer des échanges pour rapprocher deux communautés. Donc nous, le jumelage entre la commune de Saint-Étienne-lès-Remiremont et Vila da Saveche, donc c'est une commune du Portugal, située au nord, à 27 km de Porto, pour vous situer un petit peu. Ça a été officialisé le 29 décembre 1986, donc ça date déjà. Donc les initiateurs de ce jumelage sont donc Jean Valroff à l'époque et Oscar Degouveina pour Saint-Étienne et Américo Luis Carvato Fernandez pour la délégation portugaise. Et cette année, nous avons reçu une délégation portugaise, donc 21 personnes, que l'on a reçu du 15 au 18 juin donc de cette année. Et c'est vraiment très très sympathique, c'est vraiment très chaleureux, enfin c'est vraiment très très intéressant. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les milieux associatifs, culturels, sportifs et de loisirs ? Alors moi ce que j'adore, voilà, c'est les moments de partage, de convivialité, le contact, ça fait un lien social indispensable. Moi j'adore tout ça, tout le contact. D'ailleurs on a vu avec le Covid combien tout cela nous a manqué. C'était très difficile et moi voilà, j'adore partager des émotions, donc quand il y a des compétitions sportives, des spectacles, du rire. Enfin tout cela, voilà, c'est formidable, moi j'adore et puis pour notre bien-être, ben c'est super. Donc voilà, j'adore. Les milieux associatifs, culturels, sportifs et de loisirs ont souffert du confinement de 2020, hein, comme nous tous. Oui. Est-ce que vous avez constaté des baisses de participants aux différents événements organisés depuis la fin du confinement ? Ah oui, donc oui, c'est un véritable constat. Hein. Bon, les habitudes ont changé, donc depuis donc les confinements évidemment, la place du bénévolat s'est amoindrie. On a beaucoup moins de bénévoles, donc il y a beaucoup de personnes qui sont parvenues dans les associations. Et donc nous, on le constate parce que donc quand on fait des manifestations, on a besoin de bénévoles effectivement. Donc on les contacte et souvent, on se rend compte qu'il y en a beaucoup moins. Donc c'est difficile de réunir du monde pour aider à l'organisation des manifestations que l'on fait. Est-ce qu'il y a eu aussi une baisse du nombre d'associations à Saint-Étienne ou pas ? Alors en fait, au niveau des associations, pas forcément, en fin de compte. On a à peu près environ entre 45 et 50 associations sur Saint-Étienne. Et si on regarde par rapport à 2020, il y en a à peu près 48. Là, à l'heure actuelle, cette année, on est à 44. Donc c'est quand même relativement stable. Comment est-ce que vous contactez les manifestants pour participer à un événement comme le marché d'avant-l'avant, par exemple ? On contacte donc par le biais de la plateforme Locapi Vosges. Donc c'est une plateforme de commerçants et de producteurs vosgiens. Sinon, on fait des recherches sur Internet. Et puis il y a beaucoup le bouche à oreille aussi. Et puis lorsqu'on fait des marchés, on rencontre des artisans, des producteurs. Donc voilà, c'est vraiment du contact un petit peu comme ça. Et est-ce que vous intervenez sur tous les événements dans les domaines qui vous sont attribués, vous ou pas ? Alors oui, généralement j'interviens un petit peu sur toutes les animations, forcément. Donc lorsqu'on fait une manifestation, moi je vérifie un petit peu que tout se passe bien. Donc voilà, faut vérifier du début à la fin que tout se passe bien. Et si vous pouvez pas y aller, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut y aller à votre place ou pas ? Alors oui, effectivement, normalement, donc quand il y a des manifestations, moi je m'arrange pour être là. Mais sinon, si je ne peux pas, effectivement, donc je demande soit aux adjoints présents qui peuvent être là, soit aux conseillers municipaux. Et de tous les événements auxquels vous avez participé, c'est lequel que vous préférez, vous, dans l'année ? Alors c'est difficile à dire. En fait, c'est tellement différent. J'aime tous les événements quand ils sont réussis, moi j'aime bien. Mais après, dire lequel je préfère, je peux vraiment pas dire. Franchement, parce que vous voyez, on fait une marche, on fait un concert, c'est différent, donc c'est pas le même style. Mais voilà, non, j'aime bien tous les événements qu'on fait, j'aime bien. J'ai pas de préférence vraiment. Est-ce qu'il y a certains événements qui demandent plus de préparation que d'autres ou pas ? Ah bah oui. Alors par exemple, je pense que l'événement qui demande le plus de temps et de travail, c'est la marche populaire. Parce que c'est quelque chose d'énorme, hein. Il faut faire les circuits et puis il faut préparer. Surtout, il faut demander aux associations pour tenir les stands, les buvettes, puis faire le parcours. Comme il y a énormément de personnes, hein, souvent on réunit entre 700, 800 personnes. Je pense que c'est cet événement qui demande le plus de travail. Est-ce que vous êtes en charge des demandes de subventions aux associations ? C'est pas moi, c'est-à-dire que nous, si vous voulez, avec Tiffaine, elle réceptionne toutes les demandes de dossiers. Hein, donc les associations, on leur demande de remplir un dossier en expliquant pourquoi ils font une demande de subvention. Ensuite, une fois qu'on a récupéré tous les dossiers passent en commission de finances. Donc eux, voilà, ils vont regarder s'ils acceptent la subvention qui est demandée. Et ensuite, donc une fois que la commission des finances est passée, il faut que ce soit validé au conseil municipal. Et qui décide de leur accorder ça ? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est le maire ? En fait, c'est la commission des finances, donc il y a le maire qui est présent avec les membres de la commission, et c'est eux qui décident si les sommes sont acceptées. Et ensuite, c'est validé au conseil, donc c'est tous les membres du conseil avec le maire. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de l'actualité de la ville de Saint-Étienne-lès-Remiremont. On vous laisse avec Lewis Capaldi et Clara Luciani. On se retrouvera juste après sur le 107. I miss knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling, but leave out every part about him? Right now you're probably by the ocean while I'm still out here in the rain. With every day that passes by since we've spoken,

Je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que là sous ma poitrine, une rage se mêle que tu ne soupçonnes. Écoutez Radio Game Ozo. Radio Game Ozo 107.0. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Madame Renaud. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de brancher leur transistor ou leur autoradio sur le 107. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux, Madame Renaud ? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai choisi Queen parce que c'est un groupe que j'adore. J'adore toutes leurs chansons, c'est dynamique. Freddie Mercury est extraordinaire. Voilà, j'adore. Et puis Elvis Capaldi, moi j'ai découvert quand je l'ai entendu, mais j'ai trouvé sa voix pareil, extraordinaire, j'adore. Enfin voilà, c'est toutes des musiques que j'aime. Et puis Clara Luciani, pareil. Et là, elle est un peu dans le thème féministe, donc j'aime bien aussi. Queen, c'est vraiment un groupe intemporel. Oh, oui, depuis la mort de Freddie Mercury, ils ont pris un autre chanteur, mais c'est vraiment pas pareil. Non, faut pas comparer. Freddie Mercury, je crois qu'il est irremplaçable. C'était quelqu'un d'extraordinaire, un artiste énorme, énorme. Ça aurait tellement été extraordinaire de le faire venir à Saint-Étienne. Ah oui, alors là, oui. Non, mais bon, c'est vrai que c'est dommage, il est parti trop tôt, franchement. Ah, s'il avait été encore vivant, les places se seraient vendues, vous aurez mis ça sur Internet, en 2 minutes, il n'y a plus de place. Ah bah oui, là, je pense que oui, tout à fait. Ah oui, c'est dommage. Sur quel type d'événement est-ce que vous êtes déjà intervenu, vous ? Alors, moi, j'interviens donc en fait tous les événements qui concernent l'animation, donc la marche populaire, également la marche scolaire. On a fait aussi une journée sportive, donc avec toutes les écoles de Saint-Étienne. Le parcours du cœur, bon, tout ce qui est, enfin, c'est toutes les animations, la chavande, les feux d'artifice. Alors également, quand il y a des remises de prix de course, donc on nous demande d'être là pour la remise des prix. Sinon, il y a eu aussi le trophée de danse avec l'association Everybody Dance, donc pareil, je suis allée à la remise des prix. Voilà, donc j'essaye d'être là donc à toutes les manifestations que l'on fait avec la mairie. Et puis également, on fait des fois aussi, donc quand il y a des assemblées générales avec les associations, on nous demande aussi d'être présents. Est-ce que vous n'intervenez que pour la ville de Saint-Étienne-lès-Remiremont ou est-ce que vous travaillez avec d'autres villes comme Remiremont ou Plombières-les-Bains, par exemple ? Alors, au départ, on a eu un partenariat culturel donc, qui a vu le jour en juin 2021 avec PACCT. Donc, c'était une association, trois associations, Airplay, Total Comedy et Iron Felling, et les villes de Remiremont et de Saint-Nabord. Donc c'était une programmation avec une tête d'affiche et on faisait aussi les jeudis soirs de l'humour, voilà. Et puis en fait, on avait aussi organisé l'année dernière la fête de la musique, donc sur Remiremont, mais c'était avec la collaboration des trois mairies. Donc c'était le groupe Sansemilia. Et en fait, on a arrêté cette collaboration cette année en mai parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'annulations. Donc c'est pas évident. Et puis c'est vrai que quand on fait des concerts, on a remarqué aussi que les gens se déplaçaient de moins en moins. Alors est-ce que c'est dû à la crise économique ? Est-ce que, bon voilà, c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à réunir du monde. Donc on a mis fin à la collaboration. Mais en revanche, on a convenu quand même de poursuivre la réflexion. Et donc on va mener les actions menées entre les trois communes. On va quand même garder ce système en matière de programmation culturelle. Donc Saint-Étienne, Saint-Nabord et Remiremont. On va mettre en commun nos agendas culturels. Ça, en fait, on aimerait bien éviter que le même week-end il y ait trois manifestations dans les communes. Parce que bon, c'est un peu dommage. Et voilà, les moyens de communication aussi en commun. Et puis ce qu'on voudrait faire, donc l'année prochaine, on voudrait faire un événement intercommunal. Donc là, c'est en projet, on en discute. Mais voilà, on voudrait faire soit un festival sur 3 jours, sur les 3 communes. Voilà, quelque chose d'assez important l'année prochaine. Et du coup, est-ce que vous vous rendez des fois sur des événements à Saint-Nabord ou Remiremont ? Alors, quand j'ai le temps, mais franchement, pas en tant qu'adjointe, vraiment, non, pas en tant qu'adjointe, non. Et c'est quoi l'actualité de la ville de Saint-Étienne-lès-Remiremont et de ses alentours actuellement ? Alors, l'actualité de la ville de Saint-Étienne. Alors, les événements à venir. Donc, le prochain, c'est le dimanche 3 septembre, il y a le vide-grenier. donc organisé par l'association de chasse La Stéphanoise. Alors ensuite, le 16 septembre, on a notre asso sans fête. Donc on va essayer de réunir toutes les associations. Ensuite, le 23 septembre, à la salle multi-activité, on a un spectacle, La Croisière de Folie, avec Émeric Texera. Le 30 septembre, cette fois-ci, c'est pour les enfants. C'est la Totomobile entre en scène. Donc ça va être sympathique. Le samedi 14 octobre, alors à ne pas rater, nous faisons une belle pièce de théâtre, Le Dîner de Cons. Je pense que tout le monde connaît. Donc ça, c'est très drôle. Je veux dire, voilà, faut pas hésiter à venir le samedi, donc 14 octobre. Ensuite, à la salle polyvalente, le 20 octobre, on va mettre en place la Bonne Humeur qui organise, vous savez, dans le cadre d'Octobre Rose. Donc elle organise une soirée. Et puis, notre marché d'avant l'avant, donc le 18 et 19 novembre. Et puis voilà, le 3 décembre, le spectacle de magie par Clément Desmangels. Bon, il y aura peut-être d'autres choses, hein, il y aura peut-être... Là, c'est vraiment ceux qui sont déjà programmés, mais il y en aura peut-être d'autres. Par exemple, il y a une association qui a un événement à venir, est-ce qu'il fait appel à vous ? Alors oui, tout à fait, voilà. Donc ils demandent, alors ça dépend si c'est en extérieur ou en salle, parce que la salle multi-activité est quand même très prise. Donc à ce moment-là, ils nous font la demande. Si c'est disponible, donc on bloque pour eux soit la salle, soit le lieu où ils veulent faire, quoi, voilà. Mais ils nous font absolument, ils font la demande toujours à la mairie, oui. Est-ce que vous pourriez faire partie d'un milieu associatif, vous ? Sans être adjoint au maire. Bien sûr, mais j'en fais partie. Donc moi, je suis vice-présidente du tennis club, également de la Bonne Humeur. Donc et puis je fais partie d'autres associations en tant que membre. Ah ben oui, moi je suis très active dans le milieu associatif aussi. Hein. J'aime bien. C'est pour ça d'ailleurs que je suis un petit peu adjointe aussi aux associations. Vous faites partie de différentes associations. Vous êtes adjointe au maire, mais comment faites-vous pour avoir une vie aussi remplie ? Eh ben écoutez, c'est la question que je me pose. Hein. Non mais c'est vrai. Alors c'est vrai que moi je travaille comme j'expliquais tout à l'heure, mais je travaille de nuit. Donc c'est vrai que malgré la fatigue, j'ai beaucoup de temps en journée. Mais bon, j'essaye de tout concilier. C'est vrai que des fois ça fait des longues journées, mais bon, moi j'aime bien, et quand on aime, on ne compte pas. Mais quand on travaille de nuit, on n'est pas un peu déconnecté, parce que le temps est pas pareil que quand on travaille de journée? Ah bah tout à fait, c'est vrai que c'est différent, on est un petit peu décalé. Alors moi j'essaye de rester, quand je travaille de nuit, j'essaye de prendre un cycle à peu près normal. Pas dormir la journée, j'essaye le matin. Pas dormir tout le temps, alors j'ai très peu de sommeil, je dois dire, hein, c'est vrai que ça manque toujours un petit peu quand même. Mais bon voilà, on est un peu décalé quand même, c'est sûr. Alors vous nous aviez dit tout à l'heure toutes les actualités qui étaient à venir dans la ville de Saint-Étienne-lès-Remiremont. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations ? Il y a plusieurs choses, donc voilà. Alors la première, donc c'est visible sur le site internet évidemment de la commune. Il y a la page Facebook, il y a Instagram. On a aussi deux bandes tactiles. Donc une à l'hôtel de ville, l'autre à la SMA. Et puis quand on fait des animations comme ça, on a deux grosses banderoles, je pense que vous avez déjà vu, on les met au carrefour du Leclerc et à celui de l'Abri. On a également le bulletin municipal que l'on fait une fois par an. Et puis on distribue des affiches dans les commerces, dans les bâtiments de la commune aussi, on en affiche un peu partout. Il y a la plateforme Citlor, on a la presse, on a aussi Vosges Matin, l'agenda. On a les radios locales, comme Radio Gémozo par exemple, d'ailleurs on les remercie. Il y a Radio des Ballons, Vosges FM. Et puis on a des plateformes agenda spécifiques, il y a Lorraine au cœur, Actu Vosges, Via Vosges, il y a énormément de choses. Et puis également on a distribution d'un flyer, donc là on va en faire un justement à la rentrée, qui donnera tout ce que je vous ai dit là, jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc on a quand même une bonne communication sur toutes nos manifestations. Et comment est-ce qu'on peut vous contacter si on veut faire appel à vous, par exemple si on fait partie d'une association et qu'on voudrait organiser un événement ? Alors, je vous parlais donc du service animation communication de la mairie, donc géré par Tiffaine Pierra. Donc il y a le numéro, le 03 29 26 18 12. Donc elle, comme elle gère toutes les animations, voilà, donc c'est son numéro. Sinon, évidemment, on a un mail. Donc moi, j'ai le mail sandrine.renaud@ville-saint-etienne-remiremont et puis tiffaine.pierra, pareil, @ville-saint-etienne. Donc il suffit d'aller sur le site internet de la mairie et on a tous les renseignements. Quels sont vos futurs projets en tant qu'adjointe au maire ? Alors moi, les futurs projets, le prochain, là, c'est l'asso sans fête, le 16 septembre. Donc c'est une grosse manifestation. Donc là, on appelle toutes les associations à y participer. Donc pour elles, c'est le moyen de se faire connaître. Et puis essayer d'avoir de nouveaux membres. En même temps, on fait l'accueil des nouveaux habitants. Donc comme ça, pour eux, après, ils peuvent un petit peu voir les associations. Donc chaque association va faire des animations un petit peu, enfin on espère. Voilà, et puis ben ça, c'est quand même aussi un gros travail. Et puis ensuite, ben on va faire, voilà, essayer de trouver, voir un petit peu les spectacles, voir chercher. Enfin, et puis bon, ben, surtout aussi notre marché d'avant-l'avant, ça va venir vite au mois de novembre. Donc ça passe vite, donc voilà. Le temps passe très oh, vite. Oh bah oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous en tant qu'adjointe au maire et à la mairie de Saint-Étienne? Qu'est-ce qu'on vous pouvez me souhaiter? Bah écoutez, que tout se passe bien, que l'on continue comme ça, et puis beaucoup de manifestations, et puis surtout, faut pas hésiter à venir, voilà, s'il y a le moindre question, faut pas hésiter à contacter la mairie, on est toujours à l'écoute, voilà, et puis bah, que tout se passe bien dans l'avenir. La joie, du bonheur. Oui, oh bah voilà, entre autres. Hein, bah, en fait, c'est ce que j'allais dire. Hein, nos spectacles, nous, on fait, voilà, c'est pour apporter un petit peu de rire, de gaieté. Parce que bon, quand on regarde l'actualité, j'allais dire, c'est pas très drôle. Donc voilà, le moyen de s'échapper, bah, faut faire du sport, faut participer surtout. Puis bon, voilà, faut venir un petit peu à toutes nos manifestations. Faut pas hésiter surtout. Pour s'évader un peu d'un milieu anxiogène, hein, il faut un exutoire de toute façon. Tout à fait. Alors, c'est soit le sport, soit le rire, soit voilà, tout ce qui peut nous apporter de la joie. Et arrêter de regarder les chaînes de télévision en boucle. Ça, c'est vrai. C'est sûr. Cette émission est maintenant terminée. Madame Renaud, merci d'avoir été avec nous. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie. C'était super sympa. Merci Radio Gémozo. Et puis, au revoir à tout le monde. J'espère que vous reviendrez nous voir, certainement, pour parler du marché d'avant-l'avant. Ah ben, ça me ferait énormément plaisir. Avec monsieur le maire, pour le coup. Écoutez, oui, tout à fait. Il sera enchanté de venir aussi, je pense. Super. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura. Bye tout le monde. 107.0 RGM Radio Gémozo, ta radio locale préférée.